Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau cadeau bonus. J'ai une nouvelle fois la joie de recevoir Maxime du podcast Harry Cover parce que figurez-vous que le mois dernier nous avions évoqué avec vous les très bonnes reprises de titres ayant pour origine les 80s. Rappelez-vous, on avait parlé de Sylvie Vartan, de Régine, de trucs évidemment dans le genre et bien sûr de Mireille Mathieu. Avec Maxime, on avait tellement envie de raconter tous les types de reprises qui pouvaient être faites que tout simplement on a décidé de faire ce qu'on appellera une phase B, à savoir les très très bonnes reprises ayant pour origine les 90s. Bonjour Maxime, comment vas-tu ? Salut Mikado, ça va et toi ? Bah écoute, ça va, encore une nouvelle fois très content d'enregistrer avec toi. Franchement, mille merci encore une fois de venir occuper nos ondes. Eh bah écoute, plaisir partagé. Bon, j'espère on n'aura pas du Bernard Minet cette fois. C'est vrai que ça a été dur, hein. Je te cache pas que ça a été dur. Ouais, ouais, ça a un peu depuis. On a perdu des gens, je crois. Il y a des gens qui se sont ouverts les veines. Bah oui. Après, comme tu te l'avais dit en émission, le contre-exemple de Frog Lip Studio était vraiment concret parce que je trouve que cette reprise, elle tabasse. Et oui, malheureusement, oui, Bernard Minet, non, faut pas. Et j'ai cru comprendre qu'entre-temps, c'est parce que il voulait surfer sur le côté. Henri Dess avait fait un peu le même délire. Je sais pas si t'avais vu passer le truc. Oui, j'ai vu passer ça, ouais. Et évidemment, c'était bien plus respectueux du matériau original. Enfin, bref, quoi. Complètement. Il faut bien manger. Oui, surtout que Bernard avait fait auparavant le même type d'album, mais en version jazzy, qui était aussi pas bon, quoi. Enfin, bref, quoi. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle des bonnes reprises ayant pour origine les 90s. Je suis très content parce que c'est très nouveau pour moi d'évoquer les années 90. Et on va commencer directement, parce que les gens ont l'habitude maintenant du format, par ton premier choix. Quel est le choix que tu as retenu ? Alors, mon premier choix, c'est une chanson qui remonte à 92, qui s'appelle No Ordinary World, et on doit ça à Sade, donc pour ceux qui se souviennent, ça ressemblait à ça. Sade, ça te parle, Mikado ? Ah là là, mais complètement, parce que là, grosse Madeleine, parce que mon papa avait les 33 tours. Ok. Alors c'est marrant, parce que Sade, pour moi, égale années 80. Enfin, j'étais persuadé que c'était une prod milieu années 80, et là, pas du tout, on est en quelle année ? Eh ben, on est en 92, mais c'est assez drôle que tu dises ça, parce que j'ai fait un épisode sur cette chanson, et j'étais comme toi persuadé que c'était un titre de 86-87, et en fait non, c'est 92, mais qui a pas trop, qui a encore un peu, voilà, la production, les arrangements des années 80, mais c'est 92. Et pourquoi ce choix ? T'as quelque chose à nous évoquer sur Sade ? Alors Sade, bah en fait, ça fait partie. Alors moi, j'étais persuadé que déjà que Sade, c'était le nom de la chanteuse, mais pas du tout. En fait, c'est le nom du groupe. Évidemment, comme tout le monde. Exactement. La chanteuse s'appelle, pour la petite histoire, Hélène Folasade Adou. Voilà, donc à replacer dans vos soirées mondaines. Après, oui, c'est une chanson en fait que j'ai presque connue après la reprise, puisqu'elle a été reprise par un groupe qui m'est très cher, un groupe de. Alors toujours difficile de mettre des étiquettes. Certains vont dire néo-metal, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc c'est les Deftones qui ont repris Shadé donc en 2005 sur un album de compil, de phase B justement, et de reprise. Et je pense que j'ai connu leur version avant celle de Shadé. Et c'est une version que j'aime beaucoup parce que c'est, on va dire, la synthèse parfaite des influences des Deftones. Alors les Deftones, c'est un groupe, on va dire, musclé, hein, il y a des grosses guitares, mais d'un côté, on a un chanteur qui va être très influencé par toute la New Wave des années 80 et par Ricochet, un petit peu ce qui se faisait début des années 90. Donc, inspiré aussi par les Cure, par Depeche Mode, par Duran Duran, tout ce genre de trucs-là. Et d'un autre côté, il y a un autre pan du groupe, notamment le guitariste Stephen Carpenter, qui lui va avoir des influences vraiment très métal. Et du coup, ils vont mixer tout ça à partir vraiment du deuxième, voire troisième album, pour un résultat absolument fantastique, et notamment sur cette reprise No Ordinary World, que j'aime beaucoup. On va la diffuser, et puis j'espère que t'as aimé, franchement. Ton avis, Mikado Twix ? Alors, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, comme je te l'ai dit en introduction, Shadé, c'est de la madeleine pour moi. C'est vraiment, mon papa, il écoutait ça, tu vois, en même temps que les Earth, Wind & Fire, les trucs un peu dans... Enfin, je t'ai, à l'époque, pour moi, c'était dans le même sac, à savoir les vinyles de mon papa, tu vois. Du coup, je connaissais pas du tout le titre des Deftones, et je reconnais que c'est propre, c'est bien, mais encore une fois, ce qu'on en évoquait le mois dernier ensemble, c'est que j'ai du mal à entendre l'appropriation du morceau par le groupe. Je sais pas comment t'expliquer, pour moi on est dans la cover et pas dans l'appropriation. Ah ouais, et tu trouves, le titre est... T'es dur. Non mais c'est parce que je ne suis pas du tout objectif. C'est parce que Shadé, c'est de la madeleine en plastique. Oui, et puis à partir du moment où j'ai connu la reprise avant l'original, forcément, mon jugement, il est biaisé aussi, clairement. Et voilà, donc oui, c'est très bien, mais malheureusement, on ne touche pas à Shadé. Ok. Bon, pour les gens qui connaissent un peu les Deftones ou qui veulent creuser, il faut absolument écouter l'album White Pony, qui est sorti en 2000, qui est un... Tu vois, c'est la question... quel disque t'emmènerais sur une île déserte. Cet album-là, White Pony, il fait partie des 3-4 disques que j'emmène, clairement. Faut absolument écouter ce groupe et cet album. D'accord, donc oui, t'es très déçu de ma réaction. Je suis très déçu de ta réaction, donc t'as intérêt à assurer avec ton premier choix pour ces années 90. Je t'écoute. Eh bien, alors là, je dégaine du très, très, très, très lourd. C'est un de mes morceaux cultes des... peut-être pas l'album, mais là, on est vraiment dans le single. Un single culte des années 90. On est en 1992. Et le titre que j'ai retenu, c'est le groupe Four Non Blondes qui nous chante What's Up. I'm Bon, alors avant de dégainer, tu connais ou pas ce morceau ou voir ce groupe, Maxime? Oui, bien sûr que je connais. Alors, c'est drôle parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup, enfin que j'adore pour plein de raisons. Il y a l'effet Madeleine de Proust, clairement. Elle était, je crois, sur un espèce de CD best-of, tu sais, à l'époque, ils se vendaient le best-of des années 92. Je me rappelle, il y avait deux palmas dessus, avec Sur la route, il y avait REM avec Car Easy My Religion, donc c'est route. Bah, c'est très bon, ça, d'ailleurs. C'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée via cet album, c'est une chanson que j'adore. Pour la petite histoire, je suis un très piètre guitariste, mais cette chanson, j'arrive à la jouer pour la bonne et simple raison qu'il y a trois accords qui tournent en boucle. Mm. Donc, par contre, je suis curieux de ce que tu vas nous proposer en termes de reprise, du coup. Alors déjà, pour parler rapidement du single donc, d'origine, il faut savoir que ça a rencontré un énorme succès au Brésil et dans la plupart des pays européens. Et le single a même été classé numéro 1 en Pologne, Autriche, et Suisse, Allemagne, en Irlande, en Norvège et aux Pays-Bas, pour te dire. La reprise que je vais te proposer, c'est une version live chantée par Pink en 2010. Donc évidemment, j'aurais pu retenir la version Musclore, qui est une des vidéos les plus vues, notamment sur YouTube. Hein, voilà. Donc Pink. Alors c'est intéressant parce que moi, je suis pas un groupe que j'affectionne plus que ça, mais je reconnais que la reprise du groupe est vraiment assez respectueuse du matériau original. Et là, pour moi, elle a réussi quand même à ce qui n'était pas une mince affaire, à se réapproprier le morceau. Et en plus, pour la petite anecdote, il y a un lien à faire entre le titre d'origine et la reprise de Pink, parce que faut savoir que le titre Get the Party Start de Pink, c'est une chanson écrite par une certaine Linda Perry, qui n'est autre que la chanteuse d'origine de Four Non Blonde. Alors, quel est ton verdict, mon cher Maxime? Donc oui, Four Non Blonde, bon, la version originale, je te l'ai dit, je l'adore. Je suis beaucoup plus mesuré sur la reprise, même si j'aime bien Pink à la base, c'est pas trop ce que j'écoute, mais j'aime bien. Moi, je trouve que c'est un copier-coller, en fait. Ah, peut-être un peu trop, ouais, j'avoue. Je trouve que d'ailleurs, c'est une version live, donc je l'ai regardé sur YouTube, mais je pense que j'aurais fermé les yeux, tu me dis qui est-ce qui chante, je pense que j'aurais pu te dire Four Non Blondes, parce qu'en plus, elles ont un timbre de voix qui est relativement proche. Ouais, c'est vrai. Et du coup, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, si, je vois l'intérêt, c'est respectueux, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, j'aime quand il y a une reprise qui vraiment propose quelque chose. Et là, c'est du copier-coller pur et simple. Alors, c'est très bien, ça passe très bien. Mais il n'y a pas d'intérêt, pour moi, hein, en tout cas, outre que ça. C'est pas faux, ouais. Ça tient la route. Je suis d'accord. Ok. Alors, donc, enfin, on attaque une sélection francophone. Que vas-tu nous proposer, Maxime? Alors, on part en 93 avec Stéphane Echer. Donc, j'écoute pas beaucoup de musique française. Stéphane Echer, oui. Non, mais pourtant, il est tout seul. C'est comme Gloria et Stéphane. Quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était deux personnes, Gloria c'est et Stéphane. C'est ça, copyright blague de 1992. Hein. On est d'accord. C'est ça, exactement. Donc Stéphane Echer. Ouais, moi j'écoute pas forcément beaucoup de musique française ou francophone. Mmh. Après, j'ai toujours beaucoup aimé la démarche de Stéphane Echer. J'aime pas tout, mais voilà, c'est un mec, c'est un vrai musicien, un vrai saltimbanque au sens noble du terme. Et la chanson Des hauts débats, donc qui remonte à 93 sur l'album Carcassonne. Allez, on écoute et on en reparle juste après. J'avais des hauts, j'avais des bas. Plus ou moins chaud, toute la vie devant moi. J'avais des hauts, j'avais des bas. Je crois que j'en voulais trop. J'ai même eu ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. fermée. Où elle est pendant des jours. Trop des chemins s'ouvraient. Trop des questions en retour. Je n'avais pas tué mon père. Mais je ne me souvenais pas. J'avais des hauts. Elle est bien cette chanson. Moi j'aimais bien, mais je te taquine, mais moi j'ai eu ma petite période bon. Stéphane Echer, j'aimais bien. Je voulais simplement si elle permettait déjeuner en paix. Et quand j'étais ado, je comprenais pas, je trouvais qu'il avait un accent un peu curieux. Ah bah oui, et oui, en oui, fait, c'est ça. Il ouais. est suisse le monsieur Chou. Il donc est il suisse. A un accent ouais, un peu suisse. Quelle est la reprise que tu as sélectionnée et quelle année? Alors, la reprise, je doute que beaucoup connaissent, c'est un groupe qui s'appelle Vandenplatz, groupe allemand. Ils ont sorti cette chanson en 96. Alors, très objectivement, leur version, elle est particulière parce que c'est un groupe allemand, pour le coup, qui va chanter en français, donc... dans l'accent, il y a un côté Roland Giraud dans Papy fait de la résistance, quoi, on va dire. Et j'ai bien conscience que beaucoup vont pas aimer. Après, moi, c'est un choix qui me tient à cœur parce que, pour le coup, c'est un groupe de métal qui va reprendre un artiste de pop-rock. C'est assez rare dans ce sens-là. Et surtout, la version de Stéphane Echer, elle est bien plus rock que celle de Vandenplatz. La version de Stéphane Echer, hormis sur l'intro qui est relativement douce, il y a des gros riffs de guitare sur le refrain, alors que la reprise de Vandenplatz... Donc on est en 96, ils ont sorti ça sur un petit EP où ils ont repris quelques compos et ils ont fait quelques reprises. Donc c'est tout doux, c'est tout en douceur, et elle est plus douce que l'original, et c'est assez rare pour être souligné, c'est un groupe de métal progressif qui reprend de la chanson française. Ça peut ne pas plaire, mais voilà, moi j'ai eu un petit coup de cœur pour cette version. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, tu préfères quelle version du coup? Je préfère la version de Stéphane Echer. Si je suis tout à fait honnête, si je suis tout à fait objectif, le côté chant en français avec l'accent allemand, ça a un petit peu du mal à passer, je dois reconnaître. C'était facile à écouter, non? C'est un peu difficile, donc mets-nous ça et dis-moi ce que t'en penses. J'avais les hauts, j'avais les bas, j'avais plus ou moins chaud, toute la vie devant moi. J'avais les hauts, j'avais les bas. Je crois j'en voulais trop, j'ai même eu ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Ce que je ne voulais pas. Je restais enfermé, pleuré pendant des jours. Tant les chemins ouvraient. Drôle question, retour. Je n'avais pas tué mon père, mais je ne me souvenais pas ce qu'il me disait de faire. Ce qu'il me disait pas. Ouais, bah je te rejoins. Alors, hein, c'est particulier. Je t'avoue que j'étais en tout par rapport. Sur les deux émissions qu'on a prévues ensemble, je te cache pas que c'est le choix que j'ai le moins apprécié, ouais. Parce que c'est vrai que Stéphane, enfin, de mon point de vue, j'avais l'impression qu'il était un petit peu moqué. Et moi, je te rejoins quand tu disais que c'était vraiment dans le bon sens du terme, tu sais, le saltimbanque. Oui. Sans être un grand fan, je reconnais les qualités de l'artiste. Enfin, tu vois, direct, j'ai dégainé. Je suis moins client de la reprise de ton, mais... ouais, c'est difficile, en fait, je comprends. Je vois comprends. Pas trop l'intérêt, parce que l'original est vraiment bien calibré, voilà, ça. Bah, ouais, l'intérêt, c'est de rendre hommage. Alors après, ça s'inscrit aussi dans l'album acoustique qu'ils avaient sorti. Ils avaient repris donc Stéphane Echer, ils avaient repris du Marillion, ils avaient repris du Red Charles, ce qui n'est pas évident quand t'es un groupe allemand. Ouais. Donc du coup, voilà. Et puis moi, ça fait partie des premiers groupes de métal que j'ai écoutés. Donc voilà, c'est plus pour le côté Madeleine de Proust ouais. que pour efficacité du morceau. Hein, faut que je sois honnête. D'accord. Et puis en plus, ça permet de mettre en exergue des trucs un petit peu originaux. Un peu différents, voilà, complètement. Voilà. C'est l'idée. C'est ok, l'idée. Ok. Du coup, toi, c'est ton deuxième choix. Alors là, on dégaine dans le très très lourd parce que 1996, Britney Spears, son premier hit. Je connais pas. Baby One More Time. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. baby, baby, that tête. C'est drôle parce que j'ai failli y mettre, mais avec une autre version, celle-ci. C'est vrai ? Ouais. Vite fait, un petit laïus sur Brightney, parce qu'il faut dire Brightney, tu comprends ? Eh ben, moi, j'aimais bien. Voilà, je dis à voix basse parce que c'est un peu, j'assume moyennement, mais la chanson, c'est un hit, tu peux pas le nier, ça, tu vois. Oui. Donc c'est son premier hit sorti en 98, je crois. Succès commercial, vendant à plus de 8 millions d'exemplaires, qui lançait évidemment la carrière de Brightney. Et j'avoue, j'aime bien le titre, voilà. Concernant la reprise, alors là on change complètement de registre. Le mois dernier, souviens-toi, j'étais très très très axé métal. Oui. Ce mois-ci c'est plus le jazz, hein. Petit clin d'œil à mon papa adoré qui est jazzman de profession. Et je vais te proposer une reprise ultra jazzy du groupe The Coltrane Quartet de 2015. Oh baby, baby, the reason I breathe is you. Boy, you've got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Oh, because my loneliness is killing me. I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Give me, baby, one more time. Alors honnêtement, je valide, ah, mais à mort. Alors, je sais pas quel sera ton avis, je t'expose déjà le mien. On est complètement dans l'appropriation du titre. Clairement, tu oublies que c'est un titre pop sucré, tu sais, années 90, comment on ouais. appelle ça, ce genre de girly, là, enfin... Oui, girls band un peu, enfin... Ouais, enfin, sauf qu'elle est toute seule, mais oui. on se comprend, j'ai pas le terme là, précisément. Et là, on est dans une réappropriation totale. Je l'ai découvert très sincèrement en préparant l'émission parce que je savais pas trop quoi mettre. Autant dans tout ce qui était reprise années 80, ça glissait tout seul. C'est plus compliqué années 90. Hein, avec les années 90, il y a moins de gras, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et je sais pas, je suis tombé dessus par hasard et j'ai eu un gros coup de cœur. J'aimerais avoir ton opinion. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Alors déjà, Britney Spears, donc c'est sorti milieu des années 90. Moi, quand t'as 14-15 ans et que t'écoutes du rock, du métal, forcément tu peux pas aimer Britney Spears, ça peut pas aller. Oh, t'es dur. Voilà. Hein. À l'époque, hein, j'entends à l'époque, après j'ai mûri, mes choix se sont affinés. et du coup, quand j'ai vu Coltrane Quartet, je fais oulala, un truc avec des cuivres un peu de partout, j'avais un petit peu peur. Et j'avais un peu peur parce que je sais pas si ça te parle, il y a Paul Anka donc, qui avait sorti un album de chansons de rock reprises façon swing. Il avait repris, il y avait Oasis, il y avait Nirvana, il y avait REM, ouais. Et c'était affreux. Beaucoup de scat ou des trucs comme ça, non ? Non, bah en fait c'était vraiment le côté swing où en fait tu reconnaissais grâce aux paroles, mais dans les musiques il y avait absolument aucun lien entre la VO et la reprise. Et c'était loupé. C'était, enfin pour moi c'était complètement raté. Donc je me dis oulala, ça va être le genre de truc pareil, et pas du tout. J'ai adoré. Tout de suite, ça, enfin. Il y a le côté swing, franchement, qui me faisait remuer la tête. J'ai vraiment adoré cette... Je connaissais pas, hein, pour le coup. Ça m'a fait le même effet un peu que le mois dernier, sur la reprise de Visage, ou quand j'avais vu le titre dans un registre différent. Ouais. Je m'attendais à un truc très caricatural. Et en fait, putain, ça fonctionne vachement bien. Alors après, j'ai une petite théorie là-dessus, et parce que du coup, j'ai réécouté Britney Spears. Et en fait... Britney Spears, si tu enlèves le chant ultra maniéré, parce qu'elle en fait des caisses, hein, au niveau de la façon de chanter très ado, teenager américaine, quand t'enlèves ça et que tu arrives à prendre un peu de distance, bah c'est un vrai bon morceau en fait. C'est une vraie bonne chanson. Ah, on est d'accord. Ah, mais là-dessus on est d'accord. Et d'ailleurs, Britney Spears, même la chanson Toxic, qui est, moi je trouve qu'il y a une super chanson d'ailleurs, qui est reprise par plein d'artistes. Il y a de la matière, quoi. Donc une vraie chanson. C'est ce que j'allais dire, le matériau de base est pas dégueu. Exactement. Hein. Quand il y a une vraie chanson à la base, du coup ça fonctionne. Et c'est vrai que j'ai réécouté Hit Me Baby One More Time. Je me dis, allez, on va quand même se faire violent, on va réécouter. Bah ouais, c'est de la vraie pop dans le bon sens du terme. Alors oui, elle a ce chant maniéré, mais au-delà de ça, c'est une vraie super chanson. Il y a pas de problème là-dessus. Et la reprise, franchement, j'ai validé. Tu te moquerais de moi, non, pas du tout. Non, non. Donc tu valides complètement également les deux. Ah ouais, je valide complètement et c'est un truc que je vais creuser parce que j'imagine qu'ils ont repris d'autres artistes un peu contemporains comme ça. Donc ouais, je vais creuser. Je recommande à notre copain d'écouter ça. S'il y a une explication en fait que ça peut fonctionner en reprise du Britney. Ah bah il y a certainement un aspect théorique qui m'échappe, mais je pense, ouais. Parce que moi, évidemment, je suis pas du tout du métier, c'est juste mon ressenti qui parle. Je sais que lui, il est professionnel. Peut-être que la voix ou les paroles ont une certaine musicalité qui ouais, y a un truc qui permettent peut-être une déclinaison. Bon, Damien, si tu nous écoutes, je serais curieux d'avoir ton avis. On passe tout de suite à ton nouveau choix. Que vas-tu nous proposer, Maxime ? Alors, là aussi, je ne tolérerai aucune critique quant à la reprise, parce que c'est une de mes artistes fétiches. Mais avant de parler de la reprise, l'original, c'est la chanson Ironic, donc d'Alanis Morissette, qui date de 95 sur son album Jagged Little Pill. C'est un album que j'ai beaucoup, beaucoup écouté, que je continue de beaucoup écouter. Je trouve que c'est un disque qui est super représentatif des années 90. Clairement. Elle en a vendu 30 millions. Hein, je sais pas c'est un truc de fou. Je crois que c'est d'ailleurs le premier album un artiste le plus vendu, je crois que le record tient toujours. C'est pas Jackson, Thriller, non ? L'album le plus vendu ? Non, mais Thriller, c'est pas son premier album. Ah oui, excuse-moi. Alors qu'en fait, non, mais en fait, je crois qu'en plus, Jagged Little Pill, je crois qu'elle avait fait des albums avant, mais qui sont sortis juste au Canada. Mais je crois que c'est son premier album international et qui s'est vendu à 30 millions d'exemplaires. Donc, il n'y a rien acheté dans l'album. Donc, du coup, c'est d'autant plus ambitieux d'aller reprendre la version. Déjà, on passe l'original, tu me dis ce que t'en penses et je te parle de la reprise. Efficace, hein, y a, voilà, on est dans... Ça fonctionne. Après, encore une fois, est-ce que c'est un genre qui n'est pas daté années 90 ? C'est une vraie question. Est-ce qu'on dira peut-être, là, il n'y a peut-être pas assez de recul, mais dans quelques années, on dira, bon, bah, c'est bien, mais c'est vraiment une chute ancrée années 90, enfin, je ne sais rien. Mais oui, ça fonctionne du feu de Dieu, il n'y a pas photo. Je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça, en plus. Alors, c'est peut-être parce que j'ai toujours continué d'écouter cet album. J'étais d'accord avec toi, jusqu'au moment où tu m'as proposé la cover. Ah, la cover. Donc, la cover, j'y viens. Donc là, alors je vais essayer de le dire, prononcer le mot correctement, enfin le nom. Donc, c'est une reprise qui est chantée par Anneke van Giersbergen. J'espère que j'y suis arrivé, que j'ai pas écorché le nom. Donc c'est une chanteuse hollandaise, Anneke van Giersbergen, qui a longtemps officié dans un groupe qui s'appelle The Gathering, qui est un de mes groupes préférés. Alors là, The Gathering, c'est un de mes 2-3 groupes préférés, clairement. C'est un groupe qui est à la base très étiqueté métal. À leur tout début, ils faisaient du métal un peu extrême avec des chants grôlés vraiment très très particuliers. Ensuite, ils ont viré avec des chants grôlés de Groland, non ? Non, pas de Groland. Je suis désolé. C'est plus dans ces esprits-là. Moi, mon jeu, c'est de te faire sortir du rail, tu vois. Tes émissions, mais moi, mon but, c'est de te plomber tes émissions, en fait. Ok, très bien. Tu y arrives. Donc oui, c'était avec du chant grôlé. Et du coup, ils ont voulu un peu se réorienter. Ils ont embauché donc une toute petite jeune qui s'appelle donc Anneke van Giersbergen. Et ils ont basculé dans un métal atmosphérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire des grosses guitares, quelques nappes de clavier et une voix donc féminine, une super belle voix. Et petit à petit, ils ont enlevé un peu l'aspect métal et c'est devenu un groupe de rock atmosphérique absolument formidable qui est sous-coté, sous-évalué. Je reste persuadé que s'ils avaient été anglais plutôt qu'hollandais, ils seraient presque sur le toit du monde. Enfin bref, j'ai pas beaucoup d'objectivité parce que je suis fan à 1000%. Et je suis encore plus fan de cette nana-là, Anneke van Giersbergen, qui ensuite donc, est partie au sommet de la gloire du groupe, si je puis dire, pour faire plein d'autres choses. Alors elle chante avec des groupes de métal, elle propose des albums solo, et elle fait de temps en temps des reprises. Alors c'est un peu pour ça que j'ai voulu faire le podcast, c'est-à-dire que je voulais faire connaître Anneke van Giersbergen, donc je lui ai consacré déjà un ou deux épisodes, et il y en a d'autres qui vont arriver. Et donc elle reprend Ironic d'Alanis Morissette, ce qui est quand même super couillu, parce c'est un gros titre. Elle le reprend sur un album donc semi-acoustique en 2009, et je trouve que c'est absolument splendide. Elle a la plus belle voix au monde. Les arrangements sont tout simples. Alors elle chante avec un chanteur hollandais, hein, sur le refrain. Il y a des harmonies vocales, c'est de toute beauté. T'auras beau me dire ce que tu veux, c'est absolument superbe, mais on va quand même la passer et je vais quand même te demander ton avis. Vas-y. Tout simplement magnifique. Voilà, il n'y a pas, y a rien d'autre à ajouter. Elle arrive à enterrer Alanis quand même. Hein. Je suis d'accord. Bah pareil, tu sais, c'est vraiment le truc qui a flatté mon oreille dans toute la sélection qu'on a faite sur ce numéro. C'est peut-être ce morceau que j'ai vraiment, vraiment apprécié. Allez, c'est formidable. Franchement, alors, je conseille à tout le monde. Alors, je ne sais pas si on pourra mettre des liens. Ou alors, venez m'en parler avec moi, en parler avec moi sur Twitter. Mais elle a sorti plein de trucs, elle a repris du Frankie Goes to Hollywood. Je vais creuser très sincèrement, parce artiste que j'avais découvert à travers tes émissions. T'en as reparlé là pour le cadeau bonus du jour. Alors après, attention, elle a fait beaucoup de choses. Elle participe à des albums de métal, des trucs assez violents. Donc il faut y aller par palier. Elle a une palette Palette super large. Ouais. Moi, c'est la voix que je préfère au monde. C'est clairement. Le Mike Patton féminin un peu, non ? Ouais, c'est un peu ça. Il y a un peu de cette idée-là. Ouais. Ok. Allez, écoute, ton dernier choix. Alors, le mois dernier, rappelle-toi, on avait vaguement parlé de Massive Attack à travers le groupe Womack and Womack qui avait proposé le titre Teardrop, qui n'est absolument pas le même morceau que le groupe cultissime de Massive Attack. Là, c'était vraiment une pirouette pour parler de Massive Attack parce que c'est un de mes groupes culte des années 90, à tel point que je suis en train de réfléchir avec mes chroniqueurs adorés pour faire un numéro spécial électro, pour pas dire trip-hop, des années 90, parce que c'est un genre que j'adorais quand j'étais ado. Dans les années 90, c'était pour moi le genre roi. Et le titre que j'ai retenu donc de Massive Attack, on est en 1991, c'est « Unfinished Sympathy ». Évidemment, on est sur l'album Blue Lines, hein, le cultissime album Blue Lines de 1991. Le titre est interprété par Shara Nelson, gros succès, hein, qui contribue évidemment à la renommée du groupe en se classant notamment 13e au Royaume-Uni et en atteignant la première position aux Pays-Bas. Alors enfin, je peux parler de Massive Attack. T'as dit que j'adorais Massive Attack ou pas? Ben non, je le savais pas. Ouais. Alors là, je suis assez content parce que j'ai dégoté encore une fois pour vous. Alors déjà, avant, quid de ton affect sur Massive Attack, Maxime? Alors, en fait, quand j'ai lu le titre Unfinished Empathy, je me suis dit, putain, ça me parle, je dois connaître. Évidemment, quand j'ai mis lecture, j'ai reconnu tout de suite. Ouais. Alors après, pour le coup, Massive Attack, moi, si on parle de trip-hop, j'étais plus team Portishead. J'aime énormément Portishead, bien plus que Massive Attack. Et je dois avouer mon inculture sur le coup, Blue Line, cet album-là, je le connais pas, je connais Mezzanine. Je crois que c'est le seul album de Massive Attack que j'ai écouté. Bah en même temps, Mezzanine, c'est le meilleur album au monde. C'est le meilleur, hein. Enfin, en tout cas, Massive Attack, c'est... Ah oui, oui, oui. Celui-là, c'était, je crois qu'il est sorti 98 de mémoire. Pour moi, il est cultissime. Tu vois, je te parlais le mois dernier du copain que je vois à chaque fois et qui me met du cake. Et il dégaine tout de suite Mezzanine. Hein, tu vois, enfin, c'est la playlist Mikado, elle est prête quand il vient. Et il y a cet album. Et après, il y a du Gorillaz, mais c'est encore un autre geste. Ah oui, c'est encore autre chose. Ouais. Alors, c'est rigolo parce que la cover que je t'ai trouvée, c'est un autre groupe d'électro qui s'appelle... alors, il y a deux noms, c'était Hoover et plus récemment Hoover Phonics. Comme les aspirateurs, quoi. Exactement. Mmh. Qui nous fait une reprise piano et voix en 2010. Et le morceau que je t'ai sélectionné est en live. I know that I've been mad in love before and how it could be with you. Really hurt me, babe. Really got me, babe. How can you have the day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. Of your potential keys, it's got my mind and body aching. Really hurt me, babe. Really got me, babe. How can you have a day without a night? You're the book that I have opened, and now I got to know much more. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Enfin, que te dire, c'est encore une fois une vraie réappropriation du morceau parce qu'on est complètement dans un registre différent. Je le connaissais pas. Je connais très très bien le groupe Hoover Phonics parce que c'est un groupe que je suivais parce que pareil, on est sur la scène électro pour taper large un peu. Et coup de cœur, tout simplement. C'est pur, c'est propre, c'est bien chanté. J'ai regardé différentes vidéos parce que je crois que c'est un titre exclusivement live. En tout cas, j'ai pas trouvé d'autres sources. Et à chaque fois, c'est nickel, c'est beau. Et tu préfères celle-ci ou l'original? Ah, compliqué. C'est, hein. Alors. Mon petit cœur d'ado dirait le titre d'origine parce que Blue Lines, moi, c'est un album que j'avais découvert à la sortie. Donc, 91, je devais avoir 14-15 ans. Mais je reconnais que tu vais te demander évidemment ton avis, mais que cette reprise est loin d'être honteuse. Mais mon petit cœur reste sur quand même le titre d'origine. Alors, en fait, c'est drôle parce que ce nom-là, Hoover Phonics, bon, c'est un nom que j'ai déjà lu plein de fois. Et qui est apparu, que j'ai réécouté, entre guillemets, quand j'ai préparé l'émission du mois dernier où je te parlais de l'album hommage à Depeche Mode avec les Smashing Pumpkins. Ouais. Sur cet album hommage, donc il y avait les Smashing Pumpkins, il y avait Rammstein, il y avait les Deftones, et il y avait aussi Hoover Phonics. Donc du coup, ça fait un peu le lien. Ouais. Alors moi, pour le coup, je préfère presque la version d'Hoover Phonics. Vraiment, j'étais emballé. Je trouve que c'est plus... Alors, je suis pas fan de Massive Attack comme tu l'es, donc c'est peut-être aussi ça. Je suis pas objectif, hein, du tout, hein. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça, ouais, le côté un peu plus orchestral, un peu plus dépouillé. Ouais, j'ai trouvé que ça fonctionnait carrément. Mmh. Ça fait partie des trucs que je vais creuser parce que, ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Donc, en plus, ça a l'air d'être du live en version un peu orchestrale. Et il n'y a pas tout ce qui, parfois, peut un peu me rebuter dans le trip-hop, le côté un peu boîte à rythme, un peu trop présente. Ouais, le donc, côté du coup, un peu planant aussi, qui peut être chiant par moments. Ouais, sinon. alors que bizarrement, tu vois, chez Portishead, ça me dérange moins. C'est assez bizarre. Mais dois être plus, je sais pas, il y a un truc qui s'explique pas, de toute façon. Ne branche pas sur Portishead, parce que je suis au taquet sur ce genre de dossier. C'est vrai. Ah là là, je les ai déjà vus en concert. concert, machin, enfin... Ah, l'extraordinaire, Bud Gibbons. Extraordinaire. Là, en fait, pour faire, bon, on fait un petit aparté, on s'en fout, mais... Oui. J'aime beaucoup, beaucoup la chanteuse parce que je sais pas comment elle se débrouille, mais elle est à la limite du faux. Quand elle chante, ouais, elle est sur le fil tout le temps. Voilà, c'est ça. J'ai pas le terme technique parce que encore une fois, je suis pas expert, mais enfin, je tire le trait, mais on a une note du faux. Ouais, complètement. Et ça fonctionne tout le temps. Enfin, c'est respect. Moi, j'ai un respect. Et puis, elle a un magnétisme dans la voix, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah bon. À part t'es terminé, du coup, ouais, tu valides chaudement. Ah ouais, mon je choix. Valide complètement. J'ai beaucoup beaucoup aimé. Je connaissais pas. Hein. J'ai découvert ça là, et franchement, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé leur version. Ouais. Ouais, bon, bah, merci, parce que c'était... Je t'en prie, je vais la merci conserver pour la découverte. Et bah, pareil, tu vois, c'est l'avantage de nos émissions, c'est que des fois, on découvre nous-mêmes des choses en préparant les émissions. Complètement. Ok, donc, bah, on arrive doucement, mais sûrement à la fin. Mm-hmm. Le schéma reste inchangé, parce que, rappelez-vous, le mois dernier, on avait gardé donc notre reprise ultime, c'est-à-dire le titre vraiment qu'on avait envie de mettre en avant. Et c'est assez rigolo, parce que... Bah écoute, c'est sur le même album. Alors bah oui, c'est drôle. Je te laisse en parler en premier, parce qu'on s'est vraiment ouais, pas concerté. Hein, donc. Alors déjà, je sais pas toi, mais moi j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des vraies bonnes reprises des années 90 Tout par rapport fait. Aux années 80. Il y a un vrai fossé. Alors j'ai ma petite théorie, hein, ça vaut ce bah, que ça vaut. Ah ben bah, vas-y développe, parce que j'ai eu beaucoup de mal à préparer cette émission. J'avais très très envie de la faire parce que je savais qu'il y avait des très très bons hits à proposer. Mais okay. Tu vois, autant années 80, je suis persuadé qu'on pourrait faire facilement une seconde émission. Oui, perso, oui, par contre, en revanche, sur l'année 90, je passe c'est mon tour. Compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Bah, en fait, déjà, je trouve, bah, déjà, par définition, on a plus de recul sur les années 80, donc plus de possibilités de reprise. Tout ça, c'est fait, une première chose. Ensuite, c'est enfin, alors là, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains, mais je trouve que c'est une décennie qui est plus pauvre en termes de musique. Donc du coup, il y avait beaucoup plus de matière à prendre un morceau qui était moyen et à le réarranger et à le moderniser, puisque les années 80, en termes de production et de son, c'est très très stéréotypé. Oui. Donc du coup, je trouve qu'il y a peut-être plus de possibilités, plus de facilité, plus de choix en tout cas, de prendre un morceau des années 80 et de l'amener vers quelque chose d'un peu plus moderne. Alors que les années 90... tu l'as dit, c'est la décennie du trip-hop, c'est la décennie du grunge. Il y a eu énormément de très très bonnes choses. Et que par définition, des vrais bons morceaux à la base, est-ce qu'il y a besoin tant que ça de les reprendre? J'en suis pas si sûr. Donc du coup, c'est un peu ma théorie, si je puis dire, entre voilà, les années 80, avec foison de covers, et les années 90, où c'est un peu plus compliqué. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis assez d'accord. Alors, ce qui était assez drôle, par contre, des reprises de très vieux morceaux qui ont eu lieu dans les années 90... Là, il y a qu'à se baisser. En revanche, si tu prends le truc à l'envers, c'est-à-dire des covers datés qui ont eu lieu dans les années 90, ça peut être des chansons des années 50, même ah des... oui, d'accord. Ah là, bah, il y a qu'à se baisser. Ah oui, il y a beaucoup, beaucoup quand de choses. Quand tu vois un album, enfin un artiste comme Moby, par exemple, il n'y a rien d'original. C'est que des samples ou des reprises de trucs existants. Mais l'inverse, je suis forcé de constater que c'était un petit peu plus compliqué, en effet. C'était plus compliqué, ouais. Du coup, bah, on ne l'a pas fait exprès, mais on a choisi un artiste commun. De quoi tu vas nous parler, Maxime? Alors, ben, moi, je vais revenir un peu sur Depeche Mode. Une chanson, ben, un tube, hein, Personal Jesus. Donc, on est en 1990 sur l'album Violator. Violator, ouais. C'est un des plus grands disques de l'histoire de la musique, tout simplement. Et alors, je vais pas vous parler de la reprise de Marilyn Manson qu'on a évoqué le mois dernier. Un petit gars, bon, qui a eu une bonne petite carrière, qui s'appelle Johnny Cash, tout simplement. Et alors, il y a plusieurs raisons pour ce choix-là. Déjà, parce que j'aime beaucoup Johnny Cash. Alors, je suis pas fan de country, mais ce type-là a une histoire absolument incroyable. Regardez le film Walk the Line avec Joaquin Phoenix, c'est un super film, un super biopic pour le coup. Il a fait des tonnes de choses, il a une carrière extraordinaire. Pour la petite histoire, en 92, c'est le seul artiste à être nommé au Rock'n'Roll Hall of Fame, au Country Music Hall of Fame et au Songwriter Hall of Fame. Personne n'a fait ça depuis, donc c'est un type qui est reconnu dans tous les styles, dans tous les milieux. Milieu des années 90, il a une petite baisse en termes de carrière, une légère traversée du désert. Il va rencontrer un producteur qui s'appelle Rick Rubin. Alors ceux qui connaissent, qui s'intéressent à la musique, Rick Rubin, c'est un des plus grands producteurs. Il a produit Slayer, il a produit les Beastie Boys, il a produit les Red Hot Chili Peppers. C'est oui, et des tonnes noms, et des ouais. tonnes, que des petits noms, et des tonnes de groupes. Et il voit Johnny Cash en concert, et il lui dit, bah viens, je vais te faire travailler. Il lui donne une guitare et ils travaillent tous les deux sur des reprises d'artistes contemporains. Ça va de Depeche Mode aux Beatles à U2 en passant par Soundgarden. Et il y a cette chanson Nine Inch Nails. Bah, celle-ci a été évidente, donc j'en ai pas parlé. Et donc il y a cette version de Personal Jesus, donc avec sa voix reconnaissable tout de suite. Et la deuxième raison, c'est que pour cette chanson, pour cette reprise, et pour d'autres, il va faire appel à un guitariste que j'aime énormément, que j'aime d'amour, qui s'appelle John Frusciante, qui était le futur ex guitariste des Red Hot Chili Peppers, qui joue de la guitare sèche, qui a fait quelques arrangements avec lui, et du coup, il transforme un hymne de rock noir façon Depeche Mode en espèce de balade de folk country absolument étourdissante, éblouissante. C'est vraiment une des chansons que je préfère, et pour le coup, le côté Johnny Cash plus la guitare de John Frusciante derrière, ça suffit à ce que je retienne ça comme la reprise ultime des années 90. Je te propose qu'on s'écoute un petit medley. Allez. On commence par Depeche Mode et on enchaîne par Johnny Cash. Reach out, touch faith. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Johnny Cash, comme je te dis, je connais pas très très très bien, mais j'ai ultra validé, et encore une fois, on est complètement dans l'appropriation de titre, hein, clairement. Ouais, hein. Ouais. Et donc toi, du coup, qu'est-ce que t'as choisi comme reprise ultime des années 90? Sincèrement, on s'est pas concerté, mais c'est assez drôle parce que c'est assez drôle, oui. J'ai retenu également Depeche Mode du même album, hein, 1990, et le titre que j'ai retenu, c'est Enjoy the Silence. Words like fire. Bah, je vais pas développer, hein. Je pense que tu as tout dit précédemment parce qu'on est sur le même registre. Je, à risque de dire une ânerie, je crois qu'en 2004, Depeche Mode avait sorti un album de reprise de leurs morceaux. Ouais, des remixes. Et moi, il y avait un morceau qui m'a. Enfin, une reprise, ce qui m'avait tapé à l'oreille. Et c'est l'artiste UV Flate qui nous fait une reprise. Comment dire, bien plus énergique. On s'écoute ça tout de suite. like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. Alors, Maxime, sincèrement, dans les trucs ultimes, c'est peut-être ce que je préfère en cover. C'est très dur parce qu'Enjoy the Silence, hein, attention, ouais, gros, ouais, gros morceau. Même, hein. Ouais. Et cette reprise, oh, elle me fout une patate. Ouais. Tu sais, une fois que je me suis approprié la cover, comme on dit, j'ai du mal à revenir sur le morceau original parce que du coup, je trouve mou. Ouais, sur alors, l'original. Donc tu as bien compris que je valide chaudement. Alors pour le coup, moi c'est le problème que j'ai. Alors j'adore Depeche Mode, je l'ai déjà dit, mais Enjoy the Silence, ça fait partie des chansons qu'on a trop entendues. Et du coup, c'est pas celle que je préfère de Depeche Mode, parce que voilà, on l'a entendue reprise à toutes les sauces. Et pour le coup, le remix est plutôt intéressant dans ce sens-là, parce que ça lui donne, comme tu disais, je te rejoins là-dessus, ouais, ça lui donne une pêche un peu nouvelle. Et du coup, ça renouvelle un petit peu. Mais c'est vrai qu'Enjoy the Silence, aujourd'hui, quand j'écoute Violator, j'écoute tout l'album, mais généralement, Enjoy the Silence, je la passe parce qu'on l'a trop entendu. Donc du coup, c'est vrai que ce remix-là que je connaissais pas, parce que j'ai pas écouté j'écoute généralement assez peu les albums de remix, mais du coup, ouais, ça amène une dynamique un peu différente. Je te rejoins, ouais. Ah, ça fait plaisir. Bah finalement, hein, quand on fait un petit bilan sur ces deux émissions qu'on a fait ensemble durant ces deux mois. On est assez raccord. Hein. On est assez raccord. Franchement, tu me fais plaisir, Maxime. Alors, pour te dire à quel point on est raccord, donc on arrive à la fin de l'émission. Maxime, encore une fois, au nom de toute l'équipe de Décennies, merci d'avoir accepté de venir enregistrer pas un, mais deux programmes avec nous. Merci à toi. Hein. Sur quels différents canaux on peut te retrouver ? Alors, dans les applis de podcast, le podcast s'appelle Harry Cover, le podcast des meilleures reprises. Donc, c'est chez Apple Podcast, chez Spotify, un peu partout. Après, vous me trouvez sur Twitter, donc HC en majuscule Over Podcast. Sur Instagram, Harry Cover, le podcast. Mais voilà, je suis surtout sur Twitter où je passe pas mal de temps. Ouais. D'accord, donc si les personnes veulent échanger avec toi, un petit mot. Avec plaisir. Pour parler musique, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, souvent, on me soumet maintenant. Il y a des auditeurs qui m'envoient en message. Est-ce que tu connais telle reprise ? Et en fait, je me nourris aussi de ce qu'on m'envoie. Donc c'est ça que j'aime beaucoup dans le podcast, c'est qu'en préparant moi les émissions, je vais apprendre des choses et en retour recevoir aussi. Donc c'est vrai, j'invente rien, hein, mais le podcast c'est un vrai échange, et dans la musique aussi pour le coup. Ok, voilà. Bon bah encore une fois, Maxime, mille merci d'avoir répondu présent. Ah non, et merci à toi pour les deux invitations. Et alors est-ce que tu as une suggestion à faire pour de reprise pour clôturer? Rappelle-toi, le mois dernier, je t'avais imposé une cover de Pokémon par Frog Lip Studio. T'as quel recours à nous conseiller pour clôturer ce podcast sur les covers des années 90? Eh ben, c'est une recours qui me tient à cœur et qui te tiendra à cœur aussi, parce que je pense que tu la connais. C'est une reprise qui est super connue. On est toujours chez Johnny Cash, qui a repris dans ses fameux albums American Recordings avec Rick Rubin une chanson de Nine Inch Nails, groupe de metal indus. Attention, la chanson s'appelle Hurt. On est sur du métal industriel. Je suis pas fan de Nine Inch Nails, et pour le coup, ça fait partie des reprises qui sont, à mon humble avis, très très très largement supérieures à l'original. Ah oui. Il en fait vraiment quelque chose de très émouvant, de très touchant, et je trouve que c'est la cover parfaite en synthèse. Au risque de dire une ânerie, c'est un des derniers enregistrements avant son décès. Je crois qu'il est mort la même année. Ouais, c'est pas impossible. Ouais, il en a fait pas mal, mais effectivement, il y a des albums posthumes qui sont sortis. Et si tu demandes, tu fais un micro-trottoir, citez-moi une reprise de Johnny Cash, il y a de fortes chances qu'on te dise Hurt de Nine Inch Nails. D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas que c'est une chanson de Nine Inch Nails. C'est bien possible. Du coup, elle fait très fade, l'original à côté. Hein. Oh, c'est sur Johnny Cash qu'on se quitte. Et puis, bien évidemment, à très vite sur les antennes de Décennies. Ciao, ciao. Ciao, merci. Merci, merci.